Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. C'était la dernière fois que je vous le disais. Eh oui, Jean-Pierre Pernaut quitte son journal télévisé 13h. Alors, nous pourrions saluer sa mémoire, Jean Lebrun, saluer la mémoire de celui dont il a pris la place en 88 à TF1, qui était récemment privatisé à l'époque. Vous nous parlez dans le vif de l'histoire d'Yves Mourouzi, Jean. Ben, vous-même, Bruno, est-ce que vous n'avez pas pris la place d'Yves Mourouzi au 13h d'Inter? C'était en 68, en juillet, après mai 68, il est vrai. C'est là qu'il a prononcé son premier bonjour. Fameux. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez nous le refaire, Bruno, en plus gras avec, vous savez, une nuit d'alcool et de tabac? Bonjour. Par exemple, oui. Alors, les années TF1, bon, oui. On pourrait les évoquer longuement, avec en bonus de son journal, la fameuse émission « Monsieur le Président, ça m'intéresse », avec François Mitterrand, Chebran, Branché, tout le monde s'en souvient. Moi, ce qui m'intéresse, Bruno, c'est de savoir ce que vous retenez de Mourouzi. Alors, on me dit qu'il présentait ses journaux, en tout cas à la radio, largement sans notes, et je trouve que c'est une réflexion intéressante, l'équilibre à trouver entre les notes pour être très précis et l'absence de notes pour s'adresser le plus directement possible aux gens, aux spectateurs ou aux auditeurs. Vous avez fait un geste, il faut faire du son à la radio. Ah, tout à l'heure, vous avez pris votre lancement. Oui, oui. Et vous l'avez froissé. Oui, mais ça, c'est parce que j'avais perdu la bonne feuille. Genre zéro de conduite, Jean Vigo. Bah, tout cet, l'important, c'est le sang-froid, hein. Chacun savait que Mourouzi menait une vie de bâton de chaise, que la pruderie actuelle tolérerait sans doute mal. Il arrivait à la télé souvent tard, hein, un jour. Il est rentré de sa boîte, il animait une boîte la nuit. Ouais. Son appartement avait été plastiqué, il était complètement détruit. Ben, il avait tout de même trouvé un costume et une cravate et il était venu prononcer son habituel « Bonjour ». Moi, j'aime aussi le désir qu'il a eu de ne plus rester un homme tronc, vous savez, de partir en extérieur. Pour moi, c'est le digne successeur, je remonte à la plus haute antiquité, de Jean Nohain. Jaboun, ouais. Voilà, qui faisait ses émissions en direct des ponts de Paris. Bon, Mourouzi se laissait un peu trop guider par ses hôtes, notamment les militaires. Mais enfin, vous me direz que Jean-Pierre Pernaut aussi. Les militaires lui organisaient des directs passablement martiaux. Mais il avait été un Saint-Cyrien contrarié. Ah bon ? Et sa grand-mère, qu'il avait élevée, avait contre cette vocation exercé sa force de dissuasion parce qu'elle craignait qu'officier, il ne devint putschiste. Yves Mourouzi était imprévisible aussi. Alors dans l'armée, ça n'est pas une qualité. Dans les médias, oui. Ben, l'insolence aussi, c'est une qualité. En 85, le général polonais, Jaruzelski, est invité à Paris, on sait pas pourquoi. On sait toujours pas pourquoi. Eh ben, il présente le journal dans la tenue habituelle du dictateur, l'imperméable, les lunettes noires. Bon. L'insolence, c'est un premier signe d'indépendance. Ça suffit pas à la garantir. Mourouzi se souciait pas toujours de tracer une ligne claire entre ses amitiés personnelles et ses invitations à l'antenne, mais il se moquerait de mes pudeurs comme d'une guigne parce que Bruno, il n'était pas qu'un journaliste comme vous, c'était autant une vedette. Après son renvoi, cela dit, il n'a pas retrouvé les premiers rôles. Et il s'est présenté à la présidence de Radio France en 94, mais on lui a préféré Michel Boyon. Michel Boyon, c'était l'organisateur au cabinet du ministre de la Culture, Léotard, de la vente de TF1. Il avait fait semblant de croire à la promesse qu'avait osé Bouygues, avec moi ce sera, écoutez bien, le mieux-disant culturel. Bon, avec Boyon, Radio France savait à quoi s'attendre, mais avec Mourouzi, vous imaginez quel schtroumpf, pardon, quel désordre, peut-être fécond, nous aurions connu. Alors Yves Mourouzi, vous l'avez dit, il avait présenté le 13h de France Inter et on a retrouvé une archive, vous avez retrouvé une archive, 18 décembre, il y a 50 ans exactement, 18 décembre 70. Alors même les marronniers, les sujets qui reviennent tous les ans, les vacances, j'en ai parlé aussi, bah lui il essayait d'en faire quelque chose d'attractif. Pour le moment, on parle vacances et beaucoup d'entre vous s'apprêtent à partir pour les congés de Noël. N'oubliez pas l'antigel dans votre voiture. Apparemment, l'hiver est là, si l'on en croit le thermomètre. Mais il est vrai que l'on peut avoir quelques doutes sur la saison si l'on regarde du côté de l'Isère ou dans le bois de Cessieux, du côté de la Tour du Pin, des primes verts et des violettes ont fleuri. Il paraît même que les violettes sont aussi parfumées qu'au printemps. C'est joli le parfum des violettes. Il avait 28 ans à l'époque. Ouais, la voix, il fait plus. Vous n'allez pas recommencer avec un peu de tabac à dire. Bonjour.